intelligences supérieures après la fin du cycle de vous reconnaître instantanément, quel que soit l'endroit où ils seront sur la planète, à quelque niveau de l'éther qu'ils soient. Parce que les hommes, lorsque le cycle viendra, les hommes seront absorbés dans des systèmes lumineux. Ces systèmes lumineux seront prêts, eux, ils sont déjà prêts pour eux, mais ces systèmes lumineux ne peuvent pas se présenter au visage de l'homme tant que nous n'aurons pas donné l'ordre qu'il en soit ainsi. Parce que l'homme doit être préparé avant de pouvoir entrer dans ces systèmes. Mais ces systèmes lumineux fonctionnent sous une loi de vibration. C'est-à-dire que les êtres qui sont dans ces systèmes ont la capacité, à cause de leur technologie, de faire un repère de tous les mortels sur le plan matériel et de recouvrir ceux qui ont la vibration suffisante, c'est-à-dire ceux qui sont capables de répondre harmoniquement à leur énergie. Et lorsque le taux vibratoire de la conscience des hommes aura été élevé et que le temps sera venu pour que ces êtres perquisitionnent sur la planète ceux qui doivent immortaliser leur matière, ces êtres seront là et les hommes seront prêts à les recevoir. Mais pour que les hommes puissent recevoir ces êtres, c'est-à-dire pour que les hommes ne soient plus dominés par ceux qui viennent d'ailleurs et fassent de ces êtres des dieux, nous devons élever le niveau de l'intelligence de l'homme et faire reconnaître à l'homme que son intelligence planétaire n'est pas suffisante, que son intelligence planétaire est une tour d'ivoire dans laquelle il vit, et qu'un jour, il doit reconnaître une autre intelligence en lui qui est la nôtre. Lorsque l'homme aura reconnu une autre intelligence en lui qui est la nôtre, il pourra se suffire à lui-même, c'est-à-dire qu'il sera capable de vivre sa vie d'une façon totalement intégrée. C'est-à-dire que sur le plan matériel, il ne souffrira plus. Sur le plan matériel, il aura tout ce qu'il aura de besoin. Sur le plan matériel, il aura simplement qu'à vivre matériellement. Il n'aura plus besoin de s'inquiéter de son évolution intérieure. Il n'aura plus besoin de s'inquiéter de son évolution mentale et émotionnelle. Il sera constamment dans l'énergie et à ce moment-là, la vie sur le plan matériel sera une vie d'attente. Mais à ce moment-là, l'homme n'attendra plus parce qu'il sera dans l'intelligence de l'avenir. Alors, lorsque l'homme aura cessé d'attendre, il sera déjà bien dans la matière et il pourra vivre le restant du temps qui reste, les années qui demeurent, avant que ne viennent descendre dans la matière ou dans l'éther de la planète les êtres qui sont vos frères depuis très longtemps et qui ont parti et qui ont laissé derrière eux votre planète pour évoluer sur d'autres systèmes et perfectionner leur propre existence. Nous aimons cette façon de vous parler et il est possible que dans l'avenir nous employions cette façon de vous parler. Vous devez être un peu patient afin que nous puissions ajuster les vibrations, mais la communication est bien et elle est facile. Si nous vous parlons ainsi, il nous sera plus facile de vous dévoiler les mystères de la vie et les mystères de l'homme. Si nous parlons à vous d'une façon directe, il nous est plus facile de canaliser certaines énergies que nous ne pouvons pas sur le plan des mots. Parce que les lois des mots est une loi qui restreint notre intelligence et nous devons, pour aller au-delà, au-delà, au-delà, au-delà de cette loi, renverser la polarité dans le mental de celui qui vous parle. Nous voulons vous parler et vous instruire de la nature de l'atome pour vous faire comprendre le grand rapprochement entre l'atome et l'homme. Nous voulons que vous compreniez les lois de l'homme. Nous voulons que vous compreniez parfaitement, suffisamment parfaitement, la composition extraordinaire de l'homme. L'atome est une conscience. L'atome est une conscience. L'atome n'est pas simplement un agrégat d'énergie. L'atome est une conscience. Il y a dans l'atome de l'énergie consciente, intelligente, et l'univers est extrêmement complexe, extrêmement compliqué vu du point de vue de l'homme. L'univers est extrêmement vaste et dans chaque atome, il existe une intelligence parfaite. Alors imaginez-vous la compréhension que doit avoir l'homme et l'intelligence pour réaliser que chaque atome contient une intelligence parfaite. Alors s'il y a sur votre planète un certain nombre d'individus, en grande quantité, n'est-ce pas, automatiquement réalisez que dans le cosmos, il existe aussi une très grande quantité d'intelligence et toutes ces intelligences sont concentrées dans des particules extrêmement raffinées, extrêmement petites de votre point de vue et vous appelez ces particules des atomes. Autrement dit, il n'y a aucun atome dans le cosmos qui ne représente pas une intelligence. Inutile de parler de la quantité des atomes dans le cosmos, mais utile de savoir que chaque atome dans le cosmos, dans l'univers matériel, contient une intelligence. La raison pour laquelle Nous voulons que l'homme comprenne des choses qui, par le passé, ne pouvaient pas être expliquées à l'homme parce que l'homme aurait été bouleversé par ces choses, parce que l'homme aurait trop pensé à ces choses. C'est pour vous faire comprendre et vous faire réaliser, à travers d'un homme que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup, que la vie doit être totalement connue de l'homme. Vous ne devez plus avoir de secret. Il ne vous est pas bon de ne pas savoir. Il vous est très bon de tout savoir. Tout vous a été retenu dans le passé parce que nous n'étions pas capables de descendre dans la matière. Donc, vous étiez obligés d'entreprendre de savoir par des formes ou des voies d'enseignement qui étaient déjà délimitées dans la puissance par les lois de la désinformation, par les lois du mensonge cosmique. Tous les hommes qui sont morts et qui ont servi à l'humanité, tous les êtres qui sont derrière le mur de l'espace sont prisonniers du temps et ces êtres sont les êtres qui vous ont amené pendant des siècles à une évolution quelconque. Ceci fait partie de leurs activités sur les autres plans, comme vous sur le plan matériel, vous avez des activités de technique. Vous devez comprendre que l'homme est un mystère, non pas parce que l'homme est un mystère, mais parce que l'homme est ignorant. Lorsque l'homme ne sera plus ignorant, il ne sera plus un mystère. Mais pour que nous puissions expliquer à l'homme son mystère, il faut que l'homme soit suffisamment sage, suffisamment intelligent, pour ne pas s'occuper et essayer de penser à et de se remémoriser ce que nous disons à lui. Il est inutile pour l'homme d'avoir la mémoire de ce que nous disons, parce que ce que nous disons est infiniment présent dans la conscience de l'homme, et que ce que nous disons fait partie de l'intelligence universelle, de sorte que l'homme doit avoir accès à tout ce qui est infini, parce que déjà l'homme est infini, et l'homme est infini parce qu'il a été créé par nous qui sommes infinis. Et l'homme est la création de l'esprit, et l'esprit qui a été créé pour l'homme, pour sa venue dans la matière, fait partie de la même énergie que nous, de sorte que dans la conscience atomique de l'homme, il y a de l'intelligence, et dans chaque atome de l'homme, il y a de l'intelligence, et chaque homme contient au-delà de 15 milliards d'intelligences qui gouvernent toutes les activités de sa conscience. Mais l'homme, à cause de la très grande organisation et de la perfection de toute cette organisation, a l'impression de vivre une vie qui est sous le contrôle de son intellect et de son émotion, lorsqu'en fait, l'homme est une composante infinie, extraordinaire du travail parfaitement harmonisé de toutes ces intelligences qui travaillent ensemble et qui construisent ce que nous appelons l'homme terrestre. Autrement dit, l'homme terrestre est une construction instantanée de toutes ces intelligences qui travaillent sur tous les plans de sa conscience atomique. La raison pour laquelle nous aimons beaucoup l'homme, c'est parce que nous sommes dans l'homme. La raison pour laquelle nous aimons beaucoup l'homme, c'est parce que nous faisons partie de ces intelligences qui créent, qui maintiennent, qui permettent que l'homme soit. Si nous nous retirions de l'homme, sur le plan de sa conscience atomique, dans le mental, le vital, l'émotionnel et le physique, l'homme disparaîtrait instantanément. Il retournerait à l'énergie indifférenciée. Son corps matériel ne serait plus, son corps émotionnel ne serait plus, son corps vital ne serait plus, son corps mental ne serait plus. Si vous saviez que ce sont les êtres qui sont dans les mondes de nos mondes, dans nos sphères, qui maintiennent l'ordre dans le cosmos. Ce sont les êtres qui sont dans nos sphères qui permettent que le mental d'un homme ne soit pas détruit après la mort. Ce sont les êtres qui sont dans nos mondes qui permettent que l'homme puisse continuer à évoluer. Pourquoi croyez-vous que la loi de réincarnation existe? La loi de réincarnation n'existe pas parce que nous sommes derrière cette activité. La loi de réincarnation existe parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient et qu'il doit se perfectionner. Si l'homme était conscient, la loi de réincarnation n'existerait pas. L'homme serait simplement un être qui va d'un plan à un autre, un peu comme une sauterelle va d'un plan à un autre. Autrement dit, la loi de réincarnation est une insulte à l'homme parce qu'elle force l'homme à revenir dans une matière dense lorsqu'il pourrait partir ou passer de la matière dense à une matière plus éthérisée et revenir à une matière dense pour le pouvoir de son intelligence ou pour manifester son intelligence. Alors l'homme n'a pas besoin de se réincarner. L'homme peut se réincarner, mais il ne doit pas éventuellement se réincarner. Mais pour que l'homme cesse de se réincarner, il faut que nous puissions habiter le plus possible de sa conscience, c'est-à-dire que les intelligences qui font partie de sa conscience matérielle, émotionnelle, vitale et mentale, les atomes, doivent être élevés en vibration. Et l'élévation en vibration des atomes coïncide avec ce que vous appelez sur votre plan d'expérience, votre conscience. Et plus votre conscience est grande, ça veut dire que plus vos atomes sont en harmonie vibratoire avec nous, c'est-à-dire que plus il y a de possibilités pour nous d'habiter, de cohabiter vos êtres et de remplacer les formes qui sont la constitution de votre être-té par l'énergie qui demain sera la constitution de votre vie. Mais pour le moment, vous vivez de formes, vous vivez de pensées qui ne viennent pas de vous, vous vivez d'émotions qui sont contrôlées par des êtres qui sont sur d'autres plans. De sorte qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de nous suivre, vous n'êtes pas capable de nous sentir, vous n'êtes pas capable de nous voir, vous n'êtes pas capable d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire lumière. Vous vous flattez d'être des hommes spirituels, vous vous flattez d'être des hommes psychiques, vous vous flattez d'être des hommes qui perçoivent, vous vous flattez d'être des hommes qui sont dans la connaissance. Vous vous flattez de toutes sortes de choses et pourtant vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Mais vous avez le pouvoir de vous flatter d'être des hommes psychiques dans la connaissance. La connaissance, elle n'existe pas. La connaissance est une illusion du mental humain. La connaissance existe pour l'homme simplement pour lui donner la chance, l'opportunité d'avoir conscience pulmonaire de sa vie matérielle. Vous avez avantage à réaliser de plus en plus que nous descendons de plus en plus en vous et que nous descendrons de plus en plus en vous. Et que les états que vous vivrez dans les années à venir sont des états qui sont bons parce que ce sont des états qui sont réels, parce que ce sont des états qui font partie de la transformation de votre conscience atomique. Alors cessez de souffrir de l'impression que vous avez de votre souffrance. Vous pouvez, et vous n'avez pas le choix, de souffrir de la conscientisation de vos atomes, que vous appelez votre conscience, ça c'est normal. Nous sommes suffisamment près de vous, nous vous parlons suffisamment pour que vous puissiez suffisamment comprendre que vous êtes suffisamment près de nous. Et si vous réalisez que vous êtes suffisamment près de nous, que nous sommes près de vous, vous ne perdrez pas confiance, vous ne vous découragerez pas. Vous sentirez de temps à autre le découragement, mais il ne pourra pas transpercer votre être parce que nous serons toujours là pour vous démontrer que dans l'avenir, les événements sont contrôlés par nos forces et que vous apprendrez petit à petit à voir le jeu des événements. Et lorsque vous aurez vu et compris le jeu des événements, vous ne souffrirez plus des événements. Mais tant que vous ne comprendrez pas le jeu des événements et que vous ne saurez pas que tout ce qui se passe sur le plan de l'atome fait partie de la conscience de la lumière et que le plan de l'atome est directement lié au plan inférieur de la conscience mentale et de la conscience émotionnelle, vous aurez réalisé une fois pour toutes que l'homme est un être qui peut dépasser l'aspect qu'il a toujours miné, qu'il a toujours gardé dans l'ignorance, pour entrer dans cet aspect qui fait partie de nous en lui et de lui avec nous. Nous devons travailler avec vous, nous avons besoin de vous, parce que nous ne pouvons pas descendre plus bas que le plan atomique. Mais nous avons besoin de vous dans un sens qui est particulier à notre intention, c'est-à-dire que nous avons besoin de vous parfaitement. Ceci veut dire que nous ne pouvons pas nous opposer à votre évolution, nous ne pouvons pas nous opposer à votre inconscience, mais nous pouvons élevez votre conscience et le reste demeure et fait partie de votre évolution. Si vous savez et si vous sentez en vous, petit à petit, notre présence, parce que vous sentez en vous des changements, soyez assurés que cette conscience fait partie de votre intelligence future. En attendant, ne vous inquiétez pas de votre intelligence, ne cherchez pas à être plus intelligent que vous l'êtes, parce que l'intelligence est un pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de la vie, et vous ne pouvez pas vivre ce pouvoir aujourd'hui. Nous avons commencé à altérer les vibrations de la manufacture mécanique et technique des cassettes de Bernard, afin de vous faire comprendre et vous faire réaliser petit à petit qu'un jour doit venir où, lorsque ce monsieur fera des cassettes en français, ces cassettes devront être traduites instantanément dans les langues de votre planète. Et nous avons commencé lentement à traverser le champ de son énergie pour manifester à une longueur d'onde suffisamment haute, mais aussi suffisamment basse, qu'il y a dans son langage un autre langage. Et vous verrez que dans une des cassettes, il y a deux langues, il y a un même personnage qui parle deux langues, un qui parle en français et l'autre qui parle dans une langue étrangère. Ne vous occupez pas trop de ceci, ne faites pas trop de chichi avec ceci. Habituez-vous au fait que nous sommes obligés de descendre dans la matière et que nous avons pour le moment la seule capacité de nous servir des énergies de Bernard de Montréal afin que nous puissions parler dans les cassettes en différentes langues pour que lui puisse continuer son travail à l'échelle mondiale. Il ne peut pas perdre de l'énergie de traduire tout son travail en langue étrangère. Donc, dans les années qui viendront, nous serons obligés de nous servir de son français et de le transformer en langue étrangère. Et ceci sera fait en annulant sur certaines cassettes maîtresses le langage français pour ne laisser que le langage étranger et pour, avec votre technologie, l'amplifier pour qu'il se devienne audible. La manipulation de l'énergie fait partie de la technologie de notre science. Notre science est totalement avancée, c'est-à-dire que notre science a le pouvoir de transformer tout ce qui est sur le plan matériel. De sorte qu'avec les années, si vous réalisez ou si vous faites l'expérience de choses qui sont inusitées, habituez-vous à garder ces choses parmi vous et ne pas divulguer ces choses dans le monde parce qu'il ne s'agit pas pour vous de manifester à travers votre ego des choses que vous ne comprenez pas et que vous retarderez. Il s'agit simplement pour vous de prendre conscience de ce que nous faisons à travers vous pour le bénéfice de l'homme, pour le bénéfice de l'homme. Je peux avoir un petit coke? Ah, il n'y a pas de coke. De l'eau, n'importe quoi. Anything. Never go. Alors, nous vous expliquons que l'homme est composé d'atomes plus ou moins subtils et que dans chaque atome, il y a une intelligence. Et comme il y a une intelligence dans chaque atome de l'homme, et que cette intelligence est parfaite, c'est-à-dire que si l'intelligence dans les atomes de l'homme ne peuvent pas s'harmoniser, ne peuvent pas communiquer entre elles, l'homme est inconscient. Alors, ce qui crée l'inconscience de l'homme sur la Terre, c'est le fait que les atomes qui constituent l'homme ne peuvent pas communiquer entre elles, de sorte que dans l'homme, il y a des milliards d'atomes qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Lorsque les atomes ou les intelligences dans les atomes auront le pouvoir de communiquer entre elles, il sera très très facile à l'homme, à cause de sa volonté et de son intelligence, de communiquer à ces atomes et de leur commander quoi faire. Et lorsque l'homme pourra commander aux atomes de son corps matériel, lorsqu'il pourra commander aux atomes de son corps vital, de son corps mental, de son corps émotionnel, l'homme sera un créateur. Et il pourra se servir du pouvoir de ces atomes, du pouvoir de cette énergie, afin de pouvoir communiquer avec d'autres atomes dans le cosmos, avec d'autres formes très évoluées dans le cosmos. De sorte qu'il sera possible un jour à un homme, s'il veut connaître la nature ou la conscience de l'oiseau, de changer la vibration de ses atomes, ce qui lui permettra d'entrer dans la conscience de l'oiseau et l'homme comprendra complètement et parfaitement la conscience de l'oiseau. Lorsque l'homme comprendra la conscience de l'oiseau, il commencera à faire évoluer l'oiseau. Il demeurera un peu avec lui, parce que lorsque un être en conscience, en intelligence, pénètre dans un autre être, il laisse en lui une trace. Et les hommes laisseront une trace dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital des animaux. Et cette trace qui demeurera en eux sera la même trace que nous avons créée avec l'homme. Nous avons créé une trace dans l'esprit de l'homme qui fait que l'homme est forcé d'évoluer. Et l'homme demain laissera une trace dans le monde, dans le règne des animaux. Et les animaux seront obligés d'évoluer. Et plus tard dans le temps, les animaux laisseront une trace dans le monde de la plante et les plantes seront obligées d'évoluer. Et un jour, les plantes laisseront une trace dans la conscience atomique de l'atome de la matière. Et la matière devra évoluer. Alors, vous voyez que tout dans le cosmos se tient, que tout dans le cosmos est continu et que tout dans le cosmos doit retourner à l'intelligence. Alors, si nous vous disons que dans les années à venir, vous souffrez, vous devez souffrir, réalisez que ce n'est pas de la souffrance, que ce que vous vivez n'est que la réorganisation de vos plans subtils, qui provient du fait que l'homme, à cause des formes qui constituent sa personnalité, s'oppose à notre pénétration. Il ne s'oppose pas à notre pénétration d'une façon volontaire, mais il s'oppose ou il est opposé à notre pénétration à cause de la densité de ses corps et à cause de la densité des formes qui habitent en lui. Je vais vous parler un peu du monde de l'astral, de ce que vous appelez le monde astral, de ce que les ésotéristes ont appelé le monde astral. Le monde astral, c'est un monde qui est construit, qui est fait, qui est habité par les morts. Mais il y a plus que les morts. Le monde astral est aussi géré, contrôlé par des organisations, par des gouvernements d'intelligence extrêmement puissantes. Des intelligences qui, dans le passé, ont amplifié leur pouvoir lorsqu'ils sont sortis de la lumière pour entrer dans les domaines de l'espace absolu. Et ces intelligences sont très avancées, c'est-à-dire qu'elles connaissent parfaitement les forces et les faiblesses de l'homme. Et comme ces intelligences connaissent parfaitement les forces et les faiblesses de l'homme, c'est très facile pour ces intelligences de substituer dans l'homme l'intelligence pour l'intellect, l'intelligence pour la connaissance. Faites attention à tout ce qui est connaissance, parce que la connaissance ne vient pas de nous, la connaissance vient des plans inférieurs à la lumière. Faites attention à tout ce que vous appelez connaissance. Il n'y a aucune connaissance sur votre globe qui vient de nous, parce que la connaissance ne vient pas de nous. Faites très attention à la connaissance. La connaissance ne vient pas de nous. La connaissance vient d'un monde inférieur à nous. Et lorsque vous serez... intéressé à la connaissance, vous vous rappellerez que la connaissance ne vient pas de nous. Et lorsque vous serez intéressé à la connaissance, quelle que soit cette connaissance, et quelque parfaite qu'elle semble être cette connaissance, et quelque véridique qu'elle semble être cette connaissance, rappelez-vous que cette connaissance ne vient pas de nous. Et lorsque vous serez intéressé à la connaissance, et qu'elle sera grande cette connaissance, qu'elle sera belle cette connaissance, qu'elle sera simplement... qu'elle sera parfaitement en harmonie avec ce que vous pensez, rappelez-vous que ce que vous pensez fait partie de ce que vous sentez. Alors, si ce que vous pensez fait partie de ce que vous sentez, rappelez-vous que ce que vous sentez fait partie de la domination sur vous par des formes qui sont extrêmement subtiles, extrêmement belles, extrêmement intelligentes. Rappelez-vous que vous devez être capable, dans les années qui viennent, de questionner toute pensée, toute communication qui vient dans votre esprit. Si vous communiquez avec nous, vous ne pourrez pas nous questionner. Si vous communiquez avec des êtres qui ne sont pas de notre intelligence, vous aurez le pouvoir de les questionner. Il a été donné à l'homme le pouvoir de questionner les intelligences qui sont inférieures à la lumière, mais il n'est pas donné à l'homme de questionner le pouvoir de l'intelligence ou des intelligences qui sont de la lumière. Tout homme sur la terre a le pouvoir de questionner les intelligences qui sont inférieures à nous. Aucun homme sur le globe n'a le pouvoir de questionner notre intelligence. Nous allons vous expliquer pourquoi. Parce que les intelligences qui sont inférieures à nous ne sont pas de la lumière. Autrement dit, il y a dans leur intelligence des ténèbres. Il y a dans leur intelligence de la domination. Il y a dans leur intelligence une partie qui fait partie des mondes de ce que vous appelez aujourd'hui les forces du mal. Et un jour, vous comprendrez les forces du mal, un jour, vous comprendrez pourquoi le mal est nécessaire, et un jour, vous comprendrez que le mal n'existe pas en lui-même, que le mal n'existe que parce que l'homme est ignorant. Lorsque l'homme cessera d'être ignorant, le mal ne sera plus planétaire, il sera cosmique, et à ce moment-là, l'homme pourra se servir du mal comme il se sert du bien. Et un jour, vous comprendrez que le mal est une énergie comme le bien est une énergie. Et un jour, vous ne fonctionnerez plus en termes de valeur, vous ne fonctionnerez plus en termes de bien et de mal, vous fonctionnerez en termes de science, c'est-à-dire que vous pourrez appliquer les lois de la polarité cosmique, c'est-à-dire que vous pourrez vous servir des vibrations négatives comme des vibrations positives pour altérer constamment l'équilibre des systèmes. Mais tant que vous serez capable d'être intéressé à la connaissance, tant que vous serez intéressé à la connaissance, tant que vous ne pourrez pas questionner les pensées qui sont dans votre cerveau, tant que vous ne pourrez pas questionner les êtres qui vous parlent, tant que vous ne pourrez pas être suffisamment intelligent pour être plus intelligent que les êtres qui sont inférieurs à nous, vous ne serez pas dans l'énergie de notre intelligence. Parce qu'un homme qui est dans l'énergie de notre intelligence a la capacité de dévoiler, de se séparer, de diviser, de troubler, de changer tout ce qui est dans son intelligence pour créer une nouvelle étape dans l'évolution de son intelligence. Un homme a le pouvoir, et nous avons mis dans le cerveau de l'homme, dans l'esprit de l'homme, quand l'homme a été créé, l'homme a le pouvoir d'être totalement intelligent. L'homme a le pouvoir d'être totalement intelligent. Ceci veut dire que l'homme a le pouvoir de totalement questionner ce qui est dans son intelligence. Ceci veut dire que l'homme a le pouvoir de complètement se libérer des forces de domination qui existent sur le globe terrestre. Mais l'homme ne peut avoir accès à ce pouvoir que s'il est capable de dépasser l'impression qu'il a de la connaissance. Et si vous êtes sujet à l'impression de la connaissance, si vous êtes sujet à l'impression de votre mémoire, si vous êtes sujet à l'émotivité sur votre mental, si vous êtes sujet à la vérité et au mensonge, vous serez piégé par le mensonge de la vérité. Nous vous disons que la vérité n'existe pas. Nous vous disons que le mensonge n'existe pas. Nous vous disons que la vérité existe et que le mensonge existe. Le mensonge existe si vous croyez à la vérité existe si vous croyez au mensonge. Lorsque vous ne croyez plus au mensonge et que vous ne croyez plus à la vérité et le mensonge n'existent plus, ce sont simplement deux variantes, deux polarités de l'intelligence de la forme, et un jour vous aurez compris l'intelligence de la forme, vous serez dans la polarité de cette intelligence et vous comprendrez la polarité de cette intelligence. Et lorsque vous aurez bien compris la polarité de l'intelligence, vous serez parfaitement dans l'énergie de notre intelligence. Et lorsque vous serez dans l'énergie de notre intelligence, vous n'aurez plus besoin de penser pour être intelligent. Vous serez automatiquement intelligent parce que vous n'aurez pas d'autre choix que de l'être. Mais lorsque vous serez automatiquement intelligent, lorsque vous serez dans l'intelligence, c'est parce que vous aurez été capable de neutraliser la polarité de l'intelligence, de vous servir de la loi du mensonge comme de la loi de la vérité. Si vous n'êtes pas capable de vous servir de la loi de la vérité, si vous n'êtes pas capable de vous servir de la loi du mensonge, vous n'êtes pas capable d'être intelligent. Pour être intelligent, il faut être capable de se servir de la loi du mensonge et la loi de la vérité. Parce que le mensonge sert à cacher ce qui ne peut pas être dit, la vérité sert à voiler ce qui est trop grand. Et regardez bien, les deux reviennent à la même chose. Ce qui ne peut pas être dit devient le mensonge, ce qui est trop grand devient la vérité. Exemple, vous avez sur votre planète une expérience. Vous connaissez sur votre planète une expérience que vous appelez l'expérience du Christ. Vous êtes extrêmement attaché à ce phénomène. Vous êtes extrêmement attaché à la personne du Christ. Et ceci est bon parce que vous avez de grands sentiments spirituels. Vous êtes extrêmement attaché à un personnage. Vous êtes extrêmement attaché à une conscience christique. Vous êtes extrêmement attaché à la manifestation sur le plan matériel du principe de l'amour. Mais vous ne comprenez pas ce que veut dire le mot Christ parce que le mot Christ n'a aucune signification. Le mot Christ est simplement une forme qui vous permet d'évoluer spirituellement. C'est une forme qui vous permet d'ajuster constamment vos émotions et votre mental en fonction de certaines valeurs qui font partie de votre noble esprit, qui fait partie de votre évolution. Le mot Christ est simplement une forme. Un jour, vous comprendrez que toutes les formes sont des formes, que le Bouddha n'existe pas, que le Christ n'existe pas, que la manifestation du Bouddha ou que la manifestation du Christ ne sont que des façons à nous de manifester sur les plans inférieurs des qualités personnifiées de notre intelligence afin que vous puissiez, dans les siècles qui viennent, découdre, comprendre, réaliser que toute phénoménalisation dans la matière n'est qu'une réalisation, n'est qu'une juxtaposition de différentes consciences atomiques bien intégrées, permettant à l'homme de visualiser, de connaître, de rencontrer un être qui s'appelle dans l'histoire le Christ. Un jour, vous comprendrez que lorsque l'homme aura été annexé à nous, lorsque l'homme sera totalement unifié dans ses principes, que tous les hommes sont des Christ, c'est-à-dire que tous les hommes sont des êtres qui ont la capacité de vivre d'une conscience éthérique primaire et de vivre d'une conscience corporelle secondaire. Le Christ était cet être qui a eu la capacité de transférer de la matière à l'éthérique pour revenir temporairement à la matière pour retourner à l'éthérique. Et le Christ ne reviendra pas sur la terre comme vous l'attendez, parce que le Christ, comme vous l'attendez, n'est qu'une façon à nous de vous faire réaliser que l'avenir de l'intelligence, l'avenir des principes, l'avenir de la conscience, l'avenir de la descente de la lumière fait partie de l'évolution de l'homme et que dans le temps, les cycles doivent être renouvelés. Alors, n'attendez pas le Christ sur la terre. Ce que vous recevrez, ce que vous verrez, ce que vous connaîtrez de ce que vous croyez être le Christ sur la terre sera autre chose parce que nous avons horreur de nous répéter. Remarquez que nous n'avons pas commencé à parler à l'homme. Nous commençons à parler à l'homme. Mais lorsque nous aurons bien parlé à l'homme, lorsque nous aurons suffisamment parlé à l'homme, lorsque nous aurons fini de parler à l'homme, lorsque nous aurons terminé de parler à l'homme, l'homme sera capable de vivre d'une conscience éthérique, éthérisée. Parler à l'homme veut dire cinq choses. Parler à l'homme veut dire l'instruire dans son mental. Parler à l'homme veut dire détruire son mental. Parler à l'homme veut dire élever son mental. Parler à l'homme veut dire construire son mental. Parler à l'homme veut dire le rendre immortel. Alors, si nous parlons à l'homme, nous ne parlons pas à l'homme pour lui donner de la connaissance. Nous ne parlons pas à l'homme pour l'instruire. Nous ne parlons pas à l'homme pour des aspects qui conviennent à l'aspect qu'il croit être. Nous parlons à l'homme pour des raisons qui sont au-delà de sa conscience. Alors, pour nous, parler à l'homme fait partie du fait que nous sommes dans la matière, et nous sommes dans la matière pour toujours. Nous serons toujours dans la matière, nous serons toujours avec les hommes, et les hommes seront toujours avec nous. Jamais la terre sera restée seule. De sorte que demain, les fils de l'homme seront les fils de Dieu, comme vous appeliez dans le passé, mais les fils de l'homme réaliseront qu'ils ont toujours été les fils de Dieu, mais la raison pour laquelle ils n'étaient pas les fils de Dieu, c'est parce que la lumière n'était pas descendue sur le globe. Habituez-vous petit à petit à réaliser le spirituel dans la forme. Habituez-vous de réaliser que toute forme ne convient qu'à l'espérance de l'homme. Que toute forme ne convient qu'à l'espérance de l'homme. L'homme ne doit pas vivre d'espérance. L'homme doit vivre d'intelligence. Alors, si vous vivez d'espérance, vous devez vous habituer à ne vivre que de vous-même, c'est-à-dire à ne vivre que de l'énergie qui grandit en vous, et demain, vous aurez la capacité de comprendre ce qui aujourd'hui vous est voilé à cause des conditions de l'évolution. La région dans laquelle vous vivez est une région extrêmement importante pour la planète